Les inattendus de la science. Fabienne Chauvière, bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On commence avec des scientifiques qui sont à la recherche de l'ADN du monstre du Loch Ness. Oui, ce n'est pas une blague. Depuis des siècles, les visiteurs du Loch Ness écossais disent avoir vu un monstre qui se cacherait dans les profondeurs. Un scientifique néo-zélandais dirigera dans quelques semaines une équipe internationale qui prélèvera des échantillons des eaux du Loch Ness et effectuera des analyses génétiques pour déterminer quelles espèces y vivent. L'une des théories est que Nessie, le monstre du lac, est un plésiosaure à long cou qui a survécu à l'extinction des dinosaures. Il y a une autre théorie, Nessie serait un esturgeon ou un poisson-chat géant. Selon les chercheurs, les créatures qui se déplacent dans l'eau laissent derrière elles de minuscules fragments d'ADN provenant de la peau, des plumes, des écailles et de l'urine. 300 échantillons d'eau à différents points du lac vont être prélevés. La réponse, avant la fin de l'année. C'est bien un monstre dans le Loch Ness, le public a le droit de savoir. C'est vrai ça. On a le droit de savoir. Tiens, à propos de savoir, vous nous révélez à présent le mystère de la soie d'araignée. Oui, il a été révélé. La soie d'araignée présente des qualités exceptionnelles que les scientifiques aimeraient reproduire. Mais comment font les araignées ? Tire l'aiguille, ma fille. Extrêmement résistante, très flexible, la soie d'araignée intrigue. Une telle soie, produite à grande échelle, pourrait trouver bien des applications. Des chercheurs japonais viennent de comprendre les mécanismes de sa formation. Avec des méthodes de pointe, ces chercheurs ont pu analyser les protéines de base de la soie de l'araignée. Ils ont découvert deux types de motifs récurrents. La soie d'araignée tire son élasticité et sa résistance de sa composition particulière et complexe. Aujourd'hui, des chercheurs semblent donc avoir percé ses secrets et seraient capables de la recréer artificiellement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ne plus jamais filer vos collants. Allez, on passe de l'araignée au mammouth. Une équipe de chercheurs américains est prête à redonner vie au mammouth. Vous avez vu, on passe du monstre du Loch Ness à l'araignée et au mammouth. Aujourd'hui. Alors, il s'agirait d'un animal qui posséderait 44 des gènes issus du mammouth disparu il y a près de 12 000 ans. Ces animaux méritent-ils d'être protégés comme les autres espèces ? Ou faut-il les laisser mourir ? Des gènes de mammouth ont été préservés pendant des millénaires dans les glaces de l'Arctique. Les scientifiques veulent s'en servir pour faire un être hybride, mi-mammouth, mi-éléphant, un être capable de supporter un climat très froid qui lui permettrait de vivre au pôle Nord. Les scientifiques de l'université d'Harvard aux États-Unis, qui sont à l'origine de ce projet fou, pensent qu'en colonisant l'Arctique, ces mammouths-éléphants contribueraient à tasser le manteau neigeux, ce qui permettrait au sol de rester gelé toute l'année. Voir l'Arctique envahi de mammouths hybrides n'est cependant pas encore pour demain, car personne n'a réussi pour le moment à créer un utérus artificiel dans lequel implanter un potentiel embryon. Allez, on parle de l'eau maintenant. Avoir soif fait baisser de 10% nos capacités cérébrales. Oui, mais on parle de l'eau parce que on va bientôt partir sur la route des vacances, Eric. La seule solution, c'est donc boire de l'eau. Voilà. En tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. Le cerveau est composé à plus de 82% d'eau. Le début d'une déshydratation, c'est-à-dire une légère soif, produit une baisse d'énergie cérébrale de 10%, ayant pour conséquence un manque de concentration et de capacité cognitive. Toutes les performances s'en trouvent diminuées, perte de motricité, absence, incapacité à réfléchir correctement, irritabilité. Le manque d'eau au niveau du cerveau peut arriver en moins de 2 heures. Une déshydratation peu avancée se soigne rapidement et facilement avec de l'eau. Même sur la route des vacances, évitez les bouteilles en plastique qui sont polluantes, remettez au goût du jour les bonnes vieilles thermos. Un peu d'eau qui coule et scintille. Voilà, vous avez peut-être reconnu auparavant l'eau ferrugineuse de Bourvil. C'était les inattendus de la science. Merci Fabienne Chauvière.